Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gourmet du Pré 1860. De l'œuvre des six jours. Explication. Il y a, dans l'œuvre des six jours, trois faces qu'il est essentiel de distinguer, la création, la distinction et l'ornement. L'œuvre de création, qui a précédé les sept jours, nous est marquée dans ce passage de la Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'œuvre de distinction, qui commence au premier jour et finit au troisième, nous est désignée par ces mots, Dieu sépara la lumière des ténèbres. L'œuvre d'ornement comprend les quatre derniers jours, elle est annoncée par ces paroles, que des luminaires brillent au firmament. Question 65. De la création des corps. La créature corporelle vient de Dieu, son rôle dans la création, d'où provient la forme des corps. 1. La créature corporelle vient-elle de Dieu? Il est écrit, Dieu a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. Psaume 120. Si diverses que soient les choses corporelles ou spirituelles, elles ont l'être pour point commun, et, sous ce rapport, elles viennent d'une seule et même cause, qui ne peut être que Dieu même. Note. Quelques hérétiques, voulant prouver que les choses visibles n'ont pas Dieu pour auteur, ont invoqué, à l'appui de leur opinion, cette expression de l'apôtre, le Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4:4, parole qui s'applique aux démons. Mais il est facile de voir que, si l'apôtre appelle le diable Dieu de ce siècle, c'est uniquement à cause de l'empire qu'il exerce sur les hommes qui vivent selon le siècle. D'autres ont prétendu que les créatures corporelles ne viennent pas de Dieu, parce qu'elles sont mauvaises et nous en détournent, comme si l'on devait juger des choses par l'utilité que l'on en retire, comme si ce qui est nuisible à l'un n'était pas utile à l'autre, et parfois au même homme sous un autre rapport, comme si les créatures nous détournaient de Dieu par leur nature, et non par la faute de ceux qui en abusent, comme si, enfin, le pouvoir qu'elles ont de détourner de Dieu ne prouvait pas qu'elles viennent de Dieu même, puisqu'elles ne captivent les insensés qu'en vertu de certains appâts qu'elles tiennent de sa bonté. Fin de la note. 2. La créature corporelle a-t-elle pour cause finale la bonté de Dieu? Le Seigneur, disent les proverbes, a tout fait pour sa gloire. Proverbe 16:4. L'univers entier est composé de toutes les créatures, comme un tout est composé de ses différentes parties. Or, quand nous voulons rechercher la fin d'un tout et de ses parties, nous trouvons d'abord que chaque partie est faite pour son acte propre, comme l'œil pour voir, ensuite, que la partie moins noble est faite pour la plus noble, comme les sens pour l'intelligence, les poumons pour le cœur. Et enfin, que toutes les parties sont coordonnées pour la perfection du tout. Semblablement, dans les différentes parties de l'univers, chaque créature est faite pour son acte propre, et les créatures moins nobles pour les plus nobles. C'est pourquoi, comme l'homme est créé pour une fin très élevée qui consiste dans la jouissance de Dieu, toutes les créatures inférieures sont faites pour l'homme. L'univers entier, à son tour, avec toutes ses parties, se rapporte à Dieu comme à sa fin, puisque l'image de la bonté divine y est retracée pour manifester la gloire du Très-Haut. Toutefois, les créatures raisonnables ont Dieu pour fin d'une manière encore plus spéciale, parce qu'elles peuvent s'élever à lui par leurs opérations propres, qui sont la connaissance et l'amour. Cette explication nous montre de quelle manière toutes les choses corporelles ont pour cause finale la bonté de Dieu. 3. Est-ce par le moyen des anges que Dieu a produit les créatures corporelles? Plusieurs ont supposé que les créatures procèdent de Dieu par gradation, de telle sorte que, Dieu ayant produit immédiatement la première, celle-ci en a produit une autre, et ainsi de suite jusqu'à la créature corporelle. Cette supposition est inadmissible, puisque, comme nous l'avons dit ailleurs, Dieu seul, qui est la cause première, peut créer. Aussi Moïse, voulant montrer que tous les corps ont été produits, non par les anges, mais immédiatement par Dieu, s'exprimait-il ainsi, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1. 4. Les formes des corps proviennent-elles des anges? Les formes des corps ne proviennent pas des anges. Ceux-ci sont tout au plus les moteurs qui les font acquérir. Dieu en est la cause première. Les êtres composés et corporels sont les agents immédiats qui les tirent de la matière où ils sont en puissance. Note. Les formes de la matière ne doivent pas être rapportées à des formes spirituelles subsistant par elles-mêmes, comme l'ont prétendu les platoniciens, mais elles peuvent être rapportées à des types intelligibles qui existent, soit dans l'intellect angélique dont elles viennent quelquefois par voie d'impulsion, soit dans l'intellect divin qui en a déposé le germe dans les choses créées, où elles passent de la puissance à l'acte par l'effet du mouvement. Dans la première création, elles furent produites immédiatement par Dieu, ainsi que nous le montre Moïse, qui annonce chaque ordre de création par ses paroles, Dieu dit, que telle chose soit. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.